L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les galaxies comme la nôtre peuvent aussi produire de puissants vents de matière à très grande vitesse, pouvant mener à réduire leur capacité à créer des étoiles. C'est l'observation d'une galaxie assez semblable à la Voie lactée, nommée IRAS 17020 plus 4544, une galaxie spirale brillante, dite galaxie de Seyfert, qui a permis à une équipe internationale de montrer la présence de fortes éjections de matière de part et d'autre de son plan galactique. IRAS 17020 plus 4544 n'a rien de très exceptionnel, hormis cette nouvelle structure. C'est une galaxie un peu plus grosse que la Voie lactée, située à 800 millions d'années-lumière, et arborant un trou noir supermassif de 6 millions de masses solaires, à peine plus gros que Sagittarius A star qui trône au centre de notre galaxie. Les galaxies de Seyfert sont des galaxies spirales qui ont pour signe distinctif, vis-à-vis des autres spirales, d'avoir un bulbe très brillant qui rayonne dans toutes les longueurs d'onde, signe d'une activité du trou noir supermassif. Celui-ci n'est pas calme, il est en train d'absorber de la matière. Anna Lia Longinotti, astronome italienne travaillant à l'Instituto Nacional de Astrofisica de Puebla au Mexique, et ses collaborateurs ont observé IRAS 17020 plus 4544 dans le domaine des rayons X avec le télescope spatial européen XMM Newton. Ils ont mis en évidence la présence d'un flot de gaz très énergétique en provenance du centre de la galaxie, s'échappant à une vitesse assez impressionnante, comprise entre 23 000 et 33 000 km par seconde, soit environ 10% de la vitesse de la lumière. Lorsqu'ils sont suffisamment puissants, ces vents de matière peuvent influencer leur environnement de différentes manières. L'effet principal est qu'ils dépeuplent de vastes réservoirs de gaz qui auraient pu former des étoiles. Mais ils ont aussi l'effet inverse, avec la possibilité de déclencher l'effondrement de petits nuages de gaz, et donc la formation d'étoiles. Mais jusqu'à aujourd'hui, on pensait que de tels vents de matière n'apparaissaient que dans des grandes galaxies elliptiques formées par la fusion de galaxies plus petites. Ce qu'ont observé Anna Lia Longinotti et ses collègues, et que le vent produit par le trou noir supermassif de IRAS 17020 plus 4544 échauffe suffisamment le gaz environnant pour empêcher complètement la formation d'étoiles. Une observation inédite sur une galaxie spirale relativement normale. Et les chercheurs ont eu une autre surprise. Alors qu'habituellement, les vents émis par les cœurs actifs de galaxies sont dominés par des atomes de fer très fortement ionisés, celui observé sur IRAS 17020 plus 4544 est différent, comportant beaucoup plus d'éléments légers comme l'oxygène, mais pas de fer. Anna Lia Longinotti souligne « J'ai été très surprise de découvrir que ce vent était composé surtout d'oxygène, parce que personne n'a jamais vu une galaxie comme ça auparavant. » Étant donné la ressemblance entre IRAS 17020 plus 4544 et notre Voie lactée, on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement et se poser des questions sur son histoire et le rôle qu'a pu jouer Sagittarius A star. Cette découverte indique que de telles éjections à haute vitesse auraient pu se dérouler dans notre galaxie, dans le passé, au cours de phases actives. On sait d'ailleurs, grâce toujours à des observations X faites par XMM Newton, que Sagittarius A star a connu une phase plus active qu'aujourd'hui, il y a seulement quelques centaines d'années. Cette possibilité peut maintenant être pleinement considérée par les astrophysiciens, car on sait désormais que les vents énergétiques de matière ne sont pas l'apanage des seules galaxies elliptiques. On retrouve cet article de Anna Lia Longinotti et ses collaborateurs dans The Astrophysical Journal Letters, numéro 813, paru en fin décembre 2015. Il s'intitule « X-ray High Resolution Spectroscopy Reveals Feedback in a safer galaxy from an ultra-fast wind with complex ionization and velocity structure. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, qui est la transcription du blog, n'est-ce pas, sur les plateformes podcloud.fr ainsi que sur iTunes. D'ici la prochaine, je vous souhaite un très bon ciel, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel donc, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !